L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On va parler de golf avec notre ami Gilles Larouche. Salut Gilles! Gilles, c'est le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Hey Gilles, avant de commencer, il est pas de votre club, mais il est natif de Saint-Prime. Faut quand même saluer la performance de Kevin Fortin-Simard. Hein. Tu l'as fait tantôt sur les médias sociaux. Kevin, quand même, pas réussi à se classer. Pas facile dans les circonstances, compte tenu qu'il ne joue pas du golf à temps plein. Ses obligations de directeur général du club de golf de Saint-Gédéon l'empêchent de se concentrer uniquement à ça. Mais le fait qu'il ait fait la deuxième ronde de qualification, c'est quand même bien. Là. Ah, c'est bien. Puis en même temps, c'est tellement un beau modèle pour la jeunesse, pour les amis golfeurs aussi. Kevin a eu un parcours des dernières semaines extraordinaire et puis on peut seulement clever notre chapeau devant ce prodige. OK, on va parler maintenant de la performance ou encore du tournoi de vendredi. C'est un tournoi très très important pour le financement du club. C'est le fameux tournoi où ce que les il va y avoir des gens des entreprises qui vont exposer en vue évidemment du projet là du projet du Nord, voyons que le nom m'échappe là. Regard vers le Nord, effectivement. Donc ça va avoir lieu vendredi, puis l'objectif de financement est très élevé. Mais l'objectif dès le départ, quand on s'est rencontré avec le président d'honneur, le maire de Saint-Prime, M. Lucien Boivin, l'objectif était de 100 000 $. Et à ce moment-ci, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très, très près des objectifs. Alors, il va y avoir un dévoilement qui va se faire vendredi, encore ce matin. Dans le comité organisateur, il y a beaucoup de ressources qui font encore des derniers téléphones. Et on sait que dans les dernières semaines, qu'il y a toujours un engouement ou un blitz, excusez l'expression, qui se fait. Mais je crois fortement qu'on va atteindre cet objectif. Mais là, c'est 100 000 $, c'est très bien. Mais la question, je me pose, moi je vois plus loin, je vois quand même un peu plus loin. L'an prochain, ça va être de répéter ça. Là, il va manquer 100 000 dans le trou, là, dans le budget l'an prochain? Ben, disons que... C'est-tu récurrent, ça? La barre va être haute pour le prochain président d'honneur, c'est OK. Tâche. Mais en même temps, considérant que c'est une activité promotionnelle, bénéfice, on veut vraiment pas créer de compétition entre les présidents d'honneur. Ouais. Alors, cette année, c'est exceptionnel parce qu'il y a des minières qui sont avec... Rio Tinto Alcan, Hydro-Québec, qui sont directement interpellés. Mais le prochain président d'honneur, lui, va avoir sa clientèle et on va s'entendre sur un objectif avec le prochain président. Il y avait un field day régional qui se déroulait, c'était dimanche, c'était le premier field day régional. Et il y a quand même un golfeur de Debout qui a bien fait, mais il y a deux golfeurs de Chipougamau également, pas de Chipougamau, mais de Saint-Prime qui ont bien fait également. Oui, mais dans la catégorie 2A, il y a M. Jonathan Lambert, qui est notre directeur golf ici au club, qui a terminé deuxième. Okay. Et pour l'autre golfeur, vous m'excuserez ce matin, là, mais j'ai comme deux ou trois noms, puis je ne voudrais pas créer d'impact. Ouais. Mais je pourrais vous le partager lors d'une chronique. Trou d'un coup à Saint-Prime également, cette semaine. Le premier. Oui, ouais. Monsieur Yves Gravel, le premier trou d'un coup cette année. Il a réussi la semaine dernière au trou numéro 17. OK. Et disons que M. Gravel était très, très fier, et nous-mêmes, on était très fiers que ce soit M. Gravel qui réussisse le premier trou d'un coup de la saison. Trou d'un coup au trou numéro 17 à Saint-Prime, c'est-tu un coup qui se fait régulièrement parmi les trous d'un coup? Non? Non, je vous dirais que c'est un trou que, malgré l'apparence, qui peut sembler peut-être facile, c'est un trou difficile, et d'autant plus que cette journée-là, c'est une journée... extrêmement venteux. Okay. Alors, Monsieur Gravel a réussi l'exploit de brillante manière. Ah bon. Ben, Gilles, on se parle la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça va être toi ou ça va être Rémi, mais donc on se parle quelque part mardi ou mercredi prochain. Excellent, c'est un énorme plaisir. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec son directeur général, Gilles Larouche.